une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de notre histoire du week-end, Michel Pomarède et Jean-Philippe Navarre retraçaient avec Elisabeth Revol l'histoire de la dangereuse ascension du sommet pakistanais, le Nanga Parbat, à 8126 mètres. Le 25 janvier 2018, Elisabeth Revol et Thomas Makiewicz sont au sommet. C'est un exploit, la première ascension hivernale avec des températures de moins 50 à moins 60 degrés en style alpin et par une nouvelle voie. En redescendant, Thomas Makiewicz, victime d'œdème et de cécité des neiges, n'arrive plus à bouger. Elle continue seule, pendant 3 jours, dantesque. Elle sera sauvée, in extremis, par 2 alpinistes polonais. Pour reprendre pied avec sa vie, elle est déjà repartie, en mai 2019, faire 2 ascensions à 8000 mètres en 2 jours en style alpin. Pour ce second épisode, Elisabeth Revol, c'est avant tout affronter la montagne et s'affronter soi-même. 28 janvier 2018. Ludo, récup équipe de secours au K2, attend visibilité pour déco vers Nanga. Les secours sont en cours, tiens le coup. Je ne verrai que bien plus tard sa réponse. Rescue Team sait, ne bouge pas. Mon esprit se concentre au maximum sur chacun de mes gestes. L'extrémité de mon pied blessé me semble bizarrement liquide. Mais je garde confiance en mon appui, confiance en mon corps. Ce corps que j'ai travaillé toute ma vie ne peut pas me lâcher. Je reste pétrifiée. Il est 1h50 du matin et je suis à 5950 mètres, juste au-dessus du camp 2 habituel de la voie. Les lumières arrivent sur le plat. Je continue à crier, en vain. Pour moi, c'était un moment qui était complètement improbable, en fait, parce que je m'attendais à ce qu'il n'y ait personne qui monte sur ces montagnes. Donc quand j'ai vu ces lumières, ça a été un moment qui était magique, en fait, à ce moment-là, quoi. C'était inattendu, vraiment inattendu. Un grimpeur a pris les devants et monte seul. Soudain, à 20 mètres de moi, le faisceau de sa lampe m'éclaire et j'entends « I have her ». C'est Denis qui crie. Denis Rupko, mon modèle, mon idole, l'alpiniste qui m'a toujours tellement impressionné, l'homme pour lequel j'ai un immense respect et que je n'ai encore jamais rencontré. Elisabeth Revol, plus haut, plus vite, plus fort. Michel Pomarède, Jean-Philippe Navarre. Est-ce que vous avez le temps, ou est-ce que vous avez eu le temps de comprendre l'exploit qu'ils ont fait, puisqu'ils ont monté, si j'ai bien noté, 1200 mètres de dénivelé en 8 heures de nuit. Est-ce que c'est faisable, ça, quand on est un être humain ? Oui, bah complètement, oui, ça c'est sûr. Après, non, moi j'en avais pas pris la mesure quand ils arrivaient à ce moment-là, parce que je vous dis, j'étais complètement déconnectée du temps. Donc qu'ils aient fait cette montée en tant de temps ou en plus de temps, pour moi, dans tous les cas, j'étais plus connectée à cette mesure du temps. Mais après, oui, après, effectivement, j'en ai pris la mesure. C'est quand on redescend sur Terre qu'après on voit tout ça, quoi. Mais quand on y est, non, c'est simplement, moi j'étais assise sur mon caillou, je voyais ces lumières et j'étais là. Pour moi, c'est un miracle qu'ils soient montés, quoi. Qu'il y ait quelqu'un sur cette montagne et qu'il y ait une vie sur cette montagne, quoi. Tout simplement. Donc ils vous ont retrouvé, ils vous ont sauvé, et ils ont laissé Tomek. Après, oui, les conditions ont changé, en fait, sur la montagne. On n'a pas pu... Voilà, c'était une décision qu'ils ont prise tous ensemble. En tous les cas, ils étaient en liaison radio, et effectivement, la météo a vraiment tourné cette nuit-là. Et nous, on n'est pas descendus tout de suite. Et voilà, continuer plus haut, c'était compliqué. Quand vous revenez en bas, vous vous sentez comment ? Vous êtes comment ? En bas, c'était assez paradoxal parce que déjà, quand je suis arrivée au soleil, c'était un moment où je pense que mes jambes, elles avançaient toutes seules. Et puis, je pense qu'on court vers la vie à ce moment-là. Et après, j'étais plombée aussi par Tomek. Je savais qu'il était encore là-haut et j'étais encore dans cet espoir, finalement, de secours pour lui, quoi. Mais dans quel état physique vous êtes ? Jusqu'à l'hélicoptère, j'étais bien. Puis après, je pense qu'on relâche tout, quoi. Donc, dans la descente, voilà, j'étais encore bien. Je marchais. J'avais énormément de souffrance au niveau des mains. Donc, j'utilisais pas la corde. Et ça, c'est sûr que Denis et Adam, ils m'ont extrêmement aidé par rapport à ça. Mais voilà, jusqu'à l'hélicoptère. Et puis après, jusqu'à Islamabad, il n'y avait pas de souci, quoi. C'était plus dans la tête où ça commençait à tourner un peu dans tous les sens, quoi. Même si je prenais pas la mesure encore de tout ce qui s'était passé. Mais là, il faut du temps aussi pour ça, quoi. Mon retour a été un enfer. Quand je suis arrivée à Islamabad, j'étais déconnectée. À 10 000 lieues d'imaginer l'ampleur que notre histoire avait prise, les jugements définitifs qui déjà me condamneraient à brûler en enfer ou m'érigeraient en héroïne, les titres racoleurs, les interprétations et inventions des uns et des autres. Après 2 journées à l'hôpital d'Islamabad, puis l'arrivée en France le 30 janvier 2018, après une semaine exténuante de soins intensifs à l'hôpital de Sallanches pris d'assaut par les médias, après une conférence de presse organisée le 7 février à Chamonix, alors que je venais seulement de réaliser, d'admettre plutôt qu'il n'y avait plus aucun espoir de sauver Tomek, mon compagnon de cordée, et durant laquelle, à bout de force, sous le choc, j'avais tenté de répondre aux questions, j'étais rentrée chez moi, dans la Drôme. Ludovic Gambazi, quand est-ce que vous la revoyez ? Tout de suite après, dès qu'elle arrive en France. C'était la première fois que je la voyais aussi maigre, aussi marquée, physiquement, moralement. Je crois que ça m'a choqué, en fait, de la voir comme ça. En même temps, ça m'a réconforté de la voir, parce qu'elle était là, elle a respiré, son cœur battait, enfin bon, voilà quoi. Il y avait ces deux côtés qui étaient là, et puis le combat n'était pas terminé pour elle, hein, puisque c'est pas parce qu'on est rentré qu'on va s'en sortir physiquement et mentalement. Si ma mémoire est bonne, Elisabeth Revol, elle est partie 2 fois en montagne avec 2 alpinistes polonais, et 2 fois elle est rentrée seule. Le pourquoi, ça on peut pas trop l'expliquer parce qu'on n'y est pas. On avait partagé ça. La première fois, on était en contact aussi, hein, sur les Annapurna, où ça a été extrêmement difficile pour elle. Donc c'est pareil, elle s'est pas remise à la montagne tout de suite. Hein. Il y a eu un gros break, parce qu'elle a été marquée. Malgré tout, il y a ce besoin quand on fait de la montagne, enfin, quand on est passionné, pas forcément que la montagne, mais c'est pareil chez tous les passionnés, on a ce besoin de revenir à cette passion, parce que ça nous anime et ça nous fait vivre, et on peut pas faire sans, en fait. On meurt, mais d'une autre manière. Ludovic Gambazi, vous parliez de expédition dans les altitudes, ce qui aussi est la motivation ou la passion d'Elisabeth Revol. Mais c'est des expéditions en style alpin. C'est quand même pas des expéditions comme les autres, puisqu'il n'y a pas d'oxygène, pas d'assistance, et on est dans des situations les plus extrêmes possibles. Pourquoi le style alpin ? C'est un style pur, ce qu'on connaît nous ici dans les Alpes. C'est-à-dire qu'en effet, on ne va pas utiliser de cordes fixes. On ne va pas utiliser de porteur d'altitude, on ne va pas utiliser d'oxygène, ça c'est le style alpin. Quasiment tous les alpinistes de renom s'accordent sur la même définition. Et c'est une façon de grimper qui est belle et qui fait que on n'a pas la même joie quand on atteint un sommet de cette façon-là, parce que ce qui est important c'est la façon dont on atteint le sommet. Et cette façon-là, je pense qu'elle est importante, c'est la façon dont on fait les choses, hein, comme dans la vie. On a des buts à atteindre, mais c'est la façon d'y arriver qui est importante. Moi, j'ai vécu mes plus beaux levers de soleil, mes plus beaux couchers de soleil là-haut. C'est des ambiances qui sont magiques. Racontez-moi l'esthétique du Nanga Parbat. Oui, moi, je pense que le coucher de soleil qu'on a vécu là-haut, où il y avait la mer de nuages en fait sur l'arête Mazono, on était au-dessus de tout et c'était une ambiance féerique. Après, le Nanga, c'est aussi particulier parce qu'on a l'Hindou Kush à côté, donc c'est les montagnes afghanes, un territoire qui est aussi exceptionnel au niveau montagne, où on peut pas aller, c'est aussi un interdit. Donc il y a un petit peu toutes ces facettes. Et c'est sûr que là-haut, il y a un 360 qui est exceptionnel. Et je pense que l'hiver aussi, il y a des couleurs qui sont différentes par rapport à l'été. Et puis c'est aussi les immensités glaciaires et d'être seul aussi sur ces montagnes, parce que souvent au printemps ou à l'été il y a du monde sur les 8000, donc on n'est jamais seul. En hiver on est complètement seul dans ces immensités. Qu'est-ce qui se passe après? Il y a des soins. Bon, après, moi, je me suis enfermée un peu dans ma bulle et je suis un peu descendue aux enfers, comme on dit. Ça a été la spirale descendante. Et à ce moment-là, vous contactez Philippe Régorez, votre sponsor, et vous lui dites, en fait, en gros, ce qui me ferait du bien, c'est d'aller faire l'Everest, quand je pourrais. Non, on avait parlé un petit peu, voilà, on avait parlé un petit peu de nos rêves de gosses et qu'est-ce qui avait amené en fait à la montagne. Et c'est vrai que moi, je lui ai dit, bah, moi, j'avais ce poster en fait dans ma chambre qui m'ont, je pense, amené sur l'alpinisme et l'himalayisme. Ouais, on a parlé de cet Everest et de ce rêve de gosse. Philippe Régorez, qu'est-ce que vous faites dans l'histoire d'Elisabeth Revol? Bon, on a été mis en contact par des amis et puis je l'ai aidé dans son projet. Donc c'est un projet qui me plaisait. Donc j'ai essayé de contribuer un peu à réaliser ses rêves. Et puis c'est la montagne, c'est un milieu que j'aime vraiment beaucoup. Vous faites donc, quoi dans mon métier? Alors c'est de l'informatique, donc ça n'a juste rien à voir. Donc c'est aussi une manière de s'oxygéner le cerveau quand on part sur des... Enfin, avec des gens comme Elisabeth, quoi. Et donc quand Elisabeth Revol revient de sa mauvaise expérience, on pourrait dire, au Nanga Barbat, elle prend contact avec vous et vous parle d'aller à l'Everest. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce projet qui lui tient à cœur depuis qu'elle est petite? Alors déjà, bon, on l'avait soutenu dans le projet du Nanga Barbat, hein, c'était vraiment... Vraiment plus du mécénat que du sponsoring, on va dire. Enfin, je crois que quand Elisabeth est partie au Nanga, je savais même pas qu'elle y était. Quand j'ai appris qu'il y avait le gros souci, là, c'était chez mon père en lisant le journal. Donc, bah après, par rapport aux athlètes de haut niveau, déjà, on sait que quand on a eu une vie comme ça, avec énormément d'activités physiques, ben c'est une vraie difficulté à rebondir quand les gens doivent s'arrêter. Donc ça, c'était la première des choses, ça je peux le ressentir de par mon passé. Et puis la deuxième chose, bah, c'est qu'il y avait la difficulté psychologique et puis il y avait la difficulté physique. Donc c'est toujours à peu près la même chose. Il faut tout ce qu'on puisse se raccrocher à quelque chose qui nous permet d'aller au bout de ce qu'on aime et de continuer à faire ce qu'on aime. Donc bah, là, avec Elisabeth et puis bah, la rencontre qu'on avait eue, les échanges qu'on avait eus, c'était de l'aider à revoir le jour et puis à repartir vers les sommets, quoi. Donc concrètement, Philippe Régorez, vous financez Elisabeth Revol, mais qu'est-ce que ça vous apporte à vous, personnellement, ou à votre société? Alors, je pense absolument rien. C'est vraiment pas l'enjeu de ce qu'on a fait avec Elisabeth. Et la montagne, on veut pas la transformer en écran publicitaire, hein. C'est pas ça. Je pense que c'est surtout écrire des histoires. Souvent, on entend dans les entreprises, faut écrire des histoires. Mais finalement, il y en a très peu qui essaient de les écrire de manière désintéressée. C'est toujours lié à du sponsoring. En plus, le milieu de la montagne, beaucoup de gens la connaissent pas, la montagne. Et il y a une vraie aversion au risque, hein, qui est d'ailleurs vraie pour la montagne, mais aussi pour tout un tas d'autres choses. Donc, effectivement, il y a un risque. Quand on fait de la montagne, on sait qu'il y a un risque. Mais si des gens aiment prendre des risques et puis que leur vie comporte des risques, eh ben, on peut les accompagner. Et puis, c'est souvent... les plus belles histoires, justement, quand on triomphe du risque. Mai 2019, 10h50. Everest, sommet. La vue est exceptionnelle, les émotions qui déferlent en moi aussi. En avril 2019, je suis reparti vers les hautes altitudes, vers le pays de l'oxygène rare qui m'aimante depuis que je l'ai découvert en 2008 au Pakistan. Quand j'ai préparé mon sac, j'étais secouée par des émotions contradictoires. Joie, sentiment de liberté, idée de revanche sur l'année précédente, conviction que c'était maintenant ou jamais. Mais aussi beaucoup de trac. Oui, je pense que là-haut, il s'est passé quelque chose. Après, c'est pas réellement en fait au sommet, c'était le long de cette arête en fait où je montais en fait sur les Laristep et c'était balayé par les vents. Et je pense que là-haut, ouais, il y a quelque chose qui s'est passé où moi, je me suis reconnectée en fait avec moi-même. Et après l'Everest, finalement au sommet, comme je vous dis, en fait, on a toujours un pied là-haut, un pied sur terre. Où moi, j'étais forcément là-haut avec beaucoup de monde en fait, voilà, qui avait disparu. Et puis beaucoup de monde qui sont encore en vie, auxquels je tiens et qui m'ont énormément aidé. Et puis voilà, un pied déjà de retour à se dire, bon ben, t'es là-haut, mais pense à la descente. Et je pense que ma plus belle thérapie aussi, ça a été sur le Lhotse le lendemain où j'étais toute seule. Et à partir du moment moi, où je suis seule en montagne, il y a une émotion en fait, qui est débordante et que je peux exprimer en, fait, en montagne parce que je suis seule et il n'y a personne qui la retient en fait. Et moi je suis un peu, voilà, un peu timide, un peu pudique, et je pense que quand il y a du monde je retiens un petit peu toutes ces émotions, et quand je suis seule voilà, je les fais vraiment sortir, et donc là-haut il s'est passé quelque chose. Ouais. Quand je sais que je vais atteindre le sommet, souvent il y a un moment où je vais pleurer, il y a un moment où ça me serre au niveau de la gorge et moi il y a des larmes qui vont sortir, et là-haut non, j'ai assez d'oxygène pour crier ouais, quand je suis seule. Philippe Régorez, est-ce que vous pouvez me faire un portrait physique d'Elisabeth Revol? C'est un tout petit gabarit. Hein. Et c'est vrai qu'en montagne, ben, le fait d'être petit, ben, musclé, mais je pense que c'est avant tout une tête, un cœur, des poumons, puis après quelques muscles. Et ça, les muscles en montagne ou en trail, ça ne se mesure pas au périmètre du muscle. Hein. Ça, c'est comme d'autres, des qualités physiques qui sont exceptionnelles, mais qui sont liées à toute son histoire. Ça ne s'invente pas un matin en se levant, c'est ce parcours-là. Puis en principe, si on a ces capacités-là, on le sait aussi. Donc c'est un tout qui fait qu'à un moment donné, on arrive à cette capacité-là. Et il faut pas. Enfin, pour moi, la montagne, c'est comme si on parle d'un cycliste qui va gravir des cols. Il vaut mieux être léger et petit pour être à l'aise en montagne. Elisabeth Revol, vous avez dit que quand vous êtes au sommet, vous avez un pied au sommet puis un pied sur terre. Comment est-ce que vous faites pour être concentré dans l'approche, donc dans la montée, et pas avoir ce moment de relâchement total quand vous êtes au sommet? Qu'est-ce qui se passe en vous? Bah, c'est le... Ouais, j'ai toujours une part de moi qui veut atteindre en fait ce Graal, mais mon but c'est toujours de redescendre et d'être au camp de base. Et voilà, je pense que mon mari il a une part extrêmement importante là-dedans, où pour moi, il m'autorise en fait à vivre en fait ma vie et à aller là-haut. Mais moi, je me dois de revenir. Et puis au fond de moi, dans tous les cas, la vie elle est en bas, elle est pas là-haut. Et, ouais, mon mari a une part extrêmement importante là-dedans. C'est que je suis bien dans ma vie. Je suis bien là-haut, mais je suis bien aussi dans ma vie. Donc... Où est-ce qu'on est? À Sous. Dans un petit village à l'entrée de la Provence, entre la Drôme provençale et la Drôme des collines. Mais en quoi cette démarche de montagnard, d'himalayiste, vous aide ici-bas? Ben non, je pense que je suis en adéquation avec mon standard de vie, mes valeurs, comme je dis, et puis je reste sur ces principes-là. Donc je pense que dans la vie, tout part de soi, et c'est vraiment à l'intérieur de soi qu'on peut construire notre vie. Et après, on la partage, on a besoin des autres. Mais dans tous les cas, dans la vie, on, comme je dis, hein, on est seul et on partira seul à la fin. Donc il faut qu'on bâtisse notre vie par nous-mêmes et par ce qu'on a vraiment au fond de soi. Et c'est un petit peu ce qu'on oublie à l'heure actuelle. Il y a une phrase de votre livre où vous dites, quand vous avez été pris par la montagne, vous avez gravi des ascensions intérieures. Ça veut dire qu'en fait, au départ, je pensais que je grimpais sur une montagne et que j'atteignais ce sommet en fait physiquement. Alors que pour moi, quand je fais mon flashback retour, la montagne, en fait, ça a été la plus belle école de ma vie et je me suis construite en fait par la montagne. Donc c'est ça que j'appelle en fait ma montagne intérieure. Ça m'a aidée dans ma vie, ça m'a fait voir les choses, ça m'a fait relativiser, ça m'a fait avoir des qualités ou des défauts peut-être. Mais dans tous les cas, je ne suis plus la même par ces ascensions. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être là-haut, en style alpin, c'est-à-dire sans assistance, personne porte votre matériel, et sans oxygène? Bah, en fait, moi, j'ai jamais été, comme on appelle, en fait, dans l'ivresse des cimes. Donc, j'ai toujours été très connectée, en fait, sur la montagne, et j'ai jamais été dans une espèce de bulle où on plane un petit peu comme si on était ivre, en fait, sur les sommets. Donc, j'ai toujours été, en fait, extrêmement connectée. Mais pour moi, c'était important, en fait, d'aller sur ces montagnes et me découvrir par mes propres moyens. Donc, je voulais qu'il y ait personne qui m'aide. Je voulais pas qu'on me pose des cordes fixes sur la montagne pour que je monte à l'aide de jumards. Donc, pour moi, c'était vraiment important de me découvrir là-haut par mes propres moyens. Et si j'étais capable d'y aller, j'y allais. Si j'étais pas capable d'y aller, je faisais demi-tour et je passais à autre chose. Comment vous faites pour gérer autant d'efforts avec 20% d'oxygène dans des altitudes où c'est devenu irrespirable, en fait? Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, il y a la phase d'acclimatation qui est très importante parce que c'est grâce à l'acclimatation qu'on va justement habituer notre corps à mieux vivre en altitude. Donc on va produire plus de globules rouges qui vont nous apporter justement plus facilement cet oxygène. Bien évidemment, il y a des changements qui s'effectuent sur le corps, on peut ressentir des choses. Le cerveau, lui, va privilégier les organes vitaux, forcément. Après, par contre, en dehors de l'acclimatation, il y a aussi l'expérience. Donc des alpinistes comme Denis Soroubko qui sont très expérimentés savent aujourd'hui, connaissent leurs limites, savent comment gérer justement cette acclimatation, se gérer en altitude. Puis après, y a le mental qui fait tout. C'est le mental qui fait qu'on avance, on n'avance pas. Le cerveau, je pense qu'il est assez doué pour nous donner ce qu'il faut au moment où il faut. Mais est-ce que le mental, ça s'entraîne, Ludovic Gambazi? Bah oui, ça s'entraîne quand même, oui. Ouais. Comment ? Ça s'entraîne en faisant des sorties, ça c'est certain. Après, il y a peut-être une part un peu philosophique, de maîtrise de soi, d'estime de soi. C'est pas si facile, c'est pas forcément donné à tout le monde, ça c'est certain. Et là-dessus, Elisabeth, je pense qu'elle a un mental au-delà de la moyenne. Elle arrive à se... À débrancher le cerveau, comme on dit, hein, mais en tout cas, à aller au-delà de la douleur ou de l'inconfort, parce que forcément, à un moment donné, on peut avoir des douleurs ou de l'inconfort. C'est normal, hein, y a du froid, il y a le poids, il y a le temps passé en altitude. C'est un peu comme ceux qui font des marathons, il faut qu'ils tiennent un certain moment, sauf que là, en montagne, c'est encore plus long, encore plus douloureux, et puis on ne peut pas s'arrêter. Comme ça, quand on veut, quand on est engagé dans certaines voies, il faut qu'on sorte. Ouais, c'est le mental, ça, c'est important et ça s'entraîne en effet. Moi, je pense que là-haut, je me construis. Et je suis un petit peu dans la... C'est un peu une alchimie, finalement, entre l'effort, le dépassement de soi, la quête d'inconnu, les rêves. Donc, il y a tout un tas de choses, en fait, qui se mettent en place. Et je peux pas dire, j'y vais juste pour ça, en fait. C'est une construction de la vie qui pousse là-haut. Et après, notre vie classique qui nous ramène en fait en bas. Quoi. Il y a un mot aussi que vous employez dans votre livre « Vivre », c'est le mot « addiction ». Justement, c'est là où est le danger. Et ça, ça a été un petit peu mon questionnement, moi, au retour du Nanga, où je me suis dit « ouais, là, on est allé trop loin, quoi ». Et il fallait peut-être plus peser les choses. Et je suis tombée, en fait, dans cette addiction où je pouvais plus dire non. Il fallait que je retourne sur cette montagne. Et pour Noël, je voulais être là-haut, quoi. Est-ce que vous avez évalué en vous le rapport physique et mental ? Je sais pas, je pense que le mental a une part qui est énorme. Et je pense que quand on va là-bas, forcément le physique il va être un peu en souffrance. Et qu'est-ce qui nous fait avancer ? Ça va toujours être le mental. Et quand on sort un peu de cette zone de confort, on est dans des... Le corps il est quand même en souffrance, ce sont des moments qui sont pas faciles. Mais le mental il pousse parce qu'on sait qu'on va vivre des choses en fait extraordinaires. Et on va exploser de joie en fait sur des détails. Et sur un rayon de soleil, on va être complètement euphorique et ça va être notre paradis du jour, quoi. Est-ce que la raréfaction de l'oxygène en plein effort dans le style alpin crée une euphorie proche de ce qu'on pourrait trouver dans de la drogue ? J'emploie le mot drogue plus que Elisabeth Revol parle de son addiction à la montagne. Alors oui, et on le retrouve dans tous les sports, puisqu'en fait tous les sportifs de haut niveau parlent de cette drogue. Endorphine. Quand on pratique du sport régulièrement, on a ce besoin, parce qu'on sécrète justement cette endorphine. Et en montagne, on a qui plus est la vue, l'odorat, les souvenirs, tout ce qui fait que notre cerveau va assimiler et va associer finalement un environnement avec des stimulus et on va sécréter encore plus d'endorphines. Et puis ces endorphines, c'est un cercle en fait, hein, concrètement. C'est qu'on est dans cette espèce d'euphorie, oui, parce que on l'a peut-être déjà vécu, on le revit. Et puis notre cerveau entretient cette joie en fait. Hein. Cette saveur, on l'a quand on sait qu'on va atteindre le sommet. Donc c'est quelques mètres en fait avant, où là on prend la mesure en fait des choses et c'est un moment qui est incroyable, mais qui dure finalement très peu de temps, parce qu'après on est toujours dans cette démarche d'aller au sommet. Donc ce moment de réelle euphorie, je pense que ça dure quelques secondes. Et après, c'est au camp de base, une fois qu'on est avec les autres, qu'on la partage. Je pense que c'est dans le partage aussi où on prend après la mesure des choses et puis après dans le souvenir. Ludovic Gambazi, on se retrouve 2 ans après cette aventure dans un café parisien au ras du bitume. Il pleut, il fait froid, on entend les tasses à café. Comment vous faites pour vivre au ras du sol quand vous avez toutes ces étoiles dans les yeux quand vous parlez de style alpin? C'est pas évident. Il faut bien manger. Donc mon travail fait que je bouge, pas mal. Donc il faut aller chercher le boulot à droite à gauche. À Paris, il y a pas mal de boulot. Mais c'est évident que je préfère largement être en montagne. En tout cas, c'est toujours dans un coin de la tête. Je crois qu'il n'y a pas une journée, et pas une heure et pas une minute où j'ai pas des images de montagne dans la tête et pas une envie de repartir. D'ailleurs, ce soir, c'est un retour à la maison. Mais ouais, ça reste omniprésent. Et après, bah, il faut accepter le fait que bah, dans la vie, il y a aussi des obligations et faut vivre avec ça. Comment vous allez aujourd'hui, 2 ans après tout ça ? Bah moi, je vais très bien, en fait. Je vais vraiment bien et je pense que voilà, ça a été, comme je vous disais, une longue descente aux enfers pendant 1 an et je me suis reconstruite grâce à l'Everest, au Lhotse et puis aux ascensions. Où je me suis reconnectée en fait avec moi-même simplement. Et j'ai pris beaucoup de distance par rapport à voilà, tout ce que j'avais vécu, toute cette souffrance. Et maintenant, j'ai fait la part des choses. Et je suis vraiment dans la vie. Et je pense que même, je suis allée au-delà maintenant. Où je pense que dans la vie, on dit, bah, des fois, quand il y a des moments extrêmement durs, on rebondit encore de plus belle. Et je pense que je suis dans cette phase de rebond, là, actuellement. Donc on l'entend, les automobilistes mettent un point d'honneur à venir vous saluer, à faire une petite marche arrière à côté de là où on est installé. Vous qui aimez tant le silence et la solitude, je vous laisse apprécier ce petit bruit parasite. Je voudrais convoquer une image peut-être pour terminer. Quand vous allez faire une ascension, à un moment vous prenez un avion et vous êtes à 8000 mètres d'altitude, assise avec une ceinture de sécurité et vous respirez de l'oxygène pressurisé. 2 jours plus tard, vous êtes à 8000 mètres d'altitude, toute seule, sans oxygène. À quoi pense la femme dans son avion ? À quoi pense cette femme quand elle est toute seule, à la même hauteur ? Moi, je suis souvent fascinée en fait, par ce que je vois en fait, de là-haut. Donc, quand je suis dans un avion, j'ai toujours la tête dans le hublot à regarder en fait, le monde en fait, d'en haut. Et ça me fascine. Et puis quand je suis là-haut, bah, ça me fascine encore plus, parce que j'y suis allée par mes propres moyens. Ce sont les bouffées d'oxygène glanées en montagne qui détendent mon rapport quotidien au monde. C'est mon point d'équilibre. La fuite du quotidien. La fuite du modèle social, de l'aménagement confortable et routinier d'une vie qui limiterait trop mes aspirations physiques, spirituelles et désirs de liberté. Elisabeth Revol, plus haut, plus vite, plus fort, avec Elisabeth Revol, Philippe Régorez, son sponsor, et Ludovic Gambazi, son ami alpiniste. Extrait du livre « Vivre », dit par Julie Pouillon. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, assistée de Daphné Abgral, mixage Valérie Lavalard, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomarine. Particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Il sera question d'abolition de l'esclavage, mais c'est une autre histoire.